Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le cardinal Paul-Émile Léger. Quelle sorte d'élève étiez-vous? Étiez-vous un élève turbulent ou docile? Pas turbulent, très ambitieux. Je voulais réussir. Dès mes premières années au collège, j'essayais toujours de conquérir les premières places. Il n'y avait pas beaucoup de vertu dans tout cela, mais enfin, je crois que un homme a besoin d'avoir un peu d'ambition pour réussir dans la vie. Un homme a besoin d'avoir un peu d'ambition pour réussir dans la vie, dira le cardinal Paul-Émile Léger au micro de Jean-Pierre Fournier en juillet 1967. Et de l'ambition, il en aura. Paul-Émile Léger, apprécié du pape Pie XII, il sera nommé archevêque de Montréal en 1950, va devenir cardinal en 1952. Il va également jouer un rôle important lors du Concile Vatican II, dont il sera, il faut bien le dire, l'une des vedettes. Paul-Émile Léger accompagnera enfin l'État québécois dans sa modernisation en acceptant sans créer de remous que l'Église perde sa mainmise sur les hôpitaux et les écoles du Québec au début des années 60. Eh bien, chers frères, lorsque vous regardez l'évêque enveloppé de ses vêtements sacerdotaux, il ne reste plus que la tête de libre chez lui. Seule la tête émerge de cette puissance de gloire dont l'enveloppe est l'Église. Cependant, il commande à ses membres. C'est la tête qui influe sur le corps. C'est elle qui donne la puissance, qui donne la lumière, qui donne l'intelligence. C'est elle qui donne le commandement. Ainsi, lorsque nous regardons l'Église de Dieu, que nous regardons cette Église dispersée sur la terre, nous apercevons le corps. Il est visible pour nous. Mais nous n'apercevons pas la tête de ce corps mystique. Cette tête, elle est délivrée de ce poids de chair. Cette tête, elle est disparue dans la gloire du ciel. Paul-Émile Léger, s'adressant au Montréalais le 16 mai 1950 à son retour de Rome, il vient d'être élu archevêque de Montréal pour nous présenter le parcours, la pensée également de Paul-Émile Léger. Mon invité Louis Rousseau, qui est professeur associé au département de sciences et religions à l'Université du Québec à Montréal. Louis Rousseau, bonjour. Bonjour, Jacques. Parlons d'abord de l'homme, celui qu'on vient d'entendre, de la façon dont il perçoit son rôle. Quand on est face à cet homme-là, à qui a-t-on affaire, Louis Rousseau? Ce qui me frappe d'entrée de jeu dans ce que vous nous avez fait entendre, je me dis, on entend son père. On n'a pas d'histoire énorme, mais simplement, son père était un commerçant qui a dû lui dire la phrase qu'il nous dit. Si on veut aller loin, il faut avoir de l'ambition. Oui. Cette idée de sortir du lot. Ça, c'est le premier extrait qu'on a entendu. Mais le deuxième, où il parle de la tête, cette tête qu'on voit, cette intelligence. Oui. Pourtant, c'est un peu étonnant. Je vais vous parler des contrastes de cette personnalité-là. Oui. Très tôt, jeune prêtre, il veut devenir sulpicien. La spiritualité sulpicienne est une spiritualité d'humilité, de renoncement à la gloire, de discrétion sur la place publique. Les messieurs de Saint-Sulpice qui occupaient Notre-Dame, qui ont fondé le Collège de Montréal, se sont au 19e siècle occupés de la formation des prêtres, etc. L'esprit de Saint-Sulpice, c'est un esprit de discrétion. On laisse aux jésuites ou aux dominicains et aux évêques le soin d'occuper la place publique. Oui. Alors voici ce bonhomme qui, pendant les premières parties de sa carrière sacerdotale, va choisir Saint-Sulpice, il va y entrer, y sortir, il va être chargé d'éduquer les jeunes, donc un peu leur directeur spirituel, il est chargé de les former, il va faire la même chose, en tout cas il essaie de faire la même chose au Japon en essayant de bâtir, de démarrer un grand séminaire. Et à côté de ça, en fait, tout d'un coup, il est envoyé à Rome, il dirige ce qu'on appelle le Collège canadien à Rome, c'est-à-dire c'est un grand hôtel, au fond, un pensionnat pour les prêtres qui vont étudier là, louent une chambre, et puis bon, ils font communauté, et en même temps, c'est un endroit où toutes les relations entre le Québec et Rome, ça passe par le Collège canadien. Bon. Et là, il va approcher le pouvoir. Là, en fait, il va découvrir la tête. Ouais. Et la tête, je ne veux pas vous rappeler une séquence de Fellini, mais la tête, c'est P12. Ouais. P12, c'est la fin d'un long processus de construction de la figure du pape comme le numéro un absolu. Pas juste le numéro un de l'Église catholique, mais le pape doit, au fond, et la tête... Au-dessus de tous les chefs d'État, etc. Donc, une espèce de ce qu'on appelait l'ultramontanisme, ouais. le centre romain. Et là, me semble-t-il, ça va devenir le modèle. Il entre dans les bonnes grâces du pape, c'est-à-dire de toute la haute fonction publique, y compris du cardinal Antonioni, qui va le renier au cours du concile, pour des raisons dont on parlera. Et il se voit comme la tête locale de l'Église. Donc, en fait, le pape représente le Christ et l'évêque de Montréal représente le pape. Hein. Ouais. On a là une lignée symbolique qu'il va en pratique, essayer de faire fonctionner. Et c'est lui qu'on vient d'entendre, donc cet archevêque, c'est 1950, c'est ça son état d'esprit à ce moment-là. Oui. Il arrive ici complètement formaté par ce qu'il a découvert au cœur du catholicisme romain de l'époque. Et il aura une idée qui va marquer plus qu'une génération. Il devient donc archevêque de Montréal en 1950 et il a cette idée de créer un rendez-vous qui va devenir incontournable à la radio de CKAC. Directement de l'archevêché de Montréal, CKAC présente l'émission Le Chapelet en famille. Un quart d'heure de recueillement et de prière pour l'obtention d'une paix durable dans le monde. C'est Mgr Paul-Émile Léger qui récitera ce soir Le Chapelet avec les invités de l'archevêché. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Le Chapelet en famille, ça va connaître, Louis Rousseau, un succès retentissant à la radio. Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est ce qu'il y a derrière cette idée-là, la vision, en fait, de Paul-Émile Léger. De quelle manière il voit la manière, justement, dont on doit vivre sa religion. Oui. Il a eu là une intuition absolument géniale. C'est-à-dire, je suis l'évêque, et dans une ville qui est la métropole, qui est immense, et qui rayonne au-delà, la radio, ça sortait de l'île de Montréal aussi, je vais prier, et je vais faire prier mon peuple. Hein. C'est presque une espèce de modèle antique. L'évêque, dans sa cathédrale, il y a tout le monde a réussi à rentrer dans la cathédrale. Là, il est dans une cathédrale radiophonique. Ouais. Et c'est important pour lui, cette piété de masse. C'est une piété de masse, et c'est l'homme de la piété. Durant les 10 premières années de sa vie, pour lui, être évêque, c'est ça. Et diriger, bien sûr. Mais au cœur de sa mission spirituelle, c'est de faire prier des gens. Ouais. Une famille qui prie est une famille unie. Hein? Donc, la famille, l'unité de la famille, qui est évidemment, dans les faits, très brisée. Montréal, c'est le lieu où il y a toutes les influences. Donc, les familles se séparent. Enfin, bref, ça vient de la campagne, ça repart, etc. Ça circule. Mais il a cette espèce... C'est l'archétype, en quelque sorte. On pourrait dire c'est les gens viennent prier deux siècles auparavant autour de la croix. Ils disent le chapelet ensemble. Mais là, on fait ça à une échelle radiophonique totale. Donc, c'est l'image de l'évêque intérieur. Je prie et... avec tous les gens. Et en même temps, il les marque. Hein? L'accent qu'il a... C'est un communicateur. C'est un communicateur extraordinaire. Oui. Il a une voix. Au début de l'émission, ce que vous nous faisiez entendre, je me suis dit, je n'avais jamais fait cette relation-là. Il a l'espèce d'éloquence des politiciens de l'époque. Oui. On se place, on parle haut, et on a un accent qui n'est pas l'accent de la parole quotidienne. Il est peut-être revenu d'Europe avec un petit accent. Si on avait eu des enregistrements de lui à 25 ans, je sais pas si c'est une vieille manière ou s'il a développé cette espèce d'accent de retour d'Europe qui est un peu spécial. Mais donc là, il est à son cœur et ce qu'il va faire, lui, contrairement à Mgr Charbonneau qui a remplacé, il s'occupera pas vraiment des questions sociales. La question syndicale, ouvrière, l'évolution des idées. Il connaît rien de l'évolution des idées au Québec quand il arrive ici. Depuis 10 ans, ou même un peu plus, qu'il est à l'extérieur du Québec. Le Québec d'après-guerre est un Québec qui bouge à une vitesse extraordinaire, à toutes sortes de points de vue. Et il va le découvrir sur le tard, au moment où le Concile va s'annoncer. En fait, il y aura une transformation, parce qu'au fond, c'est cet homme de Rome que vous nous décriviez, apprécié depuis 12, il touchera aux plus hautes sphères vaticanes. Il arrive en 50, donc, dans cet état d'esprit, plutôt conservateur à ce moment-là. Théologiquement, très conservateur et insistant sur son autorité. Exact. Très autoritaire. Il fait comme à Rome les hauts fonctionnaires et le pape. Je veux dire, on discute pas. Voici ce que nous allons faire. On s'en lit. Mais il va petit à petit, avant d'arriver au Concile Vatican II, déjà quand même comprendre qu'il se passe quelque chose. Comment ça va se passer? Qu'il faut que l'Église soit plus progressiste. Ça vient tard, je dirais. Ça vient, en tout cas, ce que j'en ai lu, c'est à la fin des années 50 et même tout à fait au début des années 60. Je donne un exemple. Au milieu des années 50, il renvoie deux jeunes prêtres, des jeunes profs d'exégèse qui sont à la faculté de théologie au Grand Séminaire de Montréal. Il les renvoie parce que ces gens-là disent, ben, la Bible est quand même un document historique, il faut l'étudier, non pas uniquement avec la foi, mais avec les instruments critiques. Et puis voilà, il y a plusieurs auteurs, il fait une scène et il les renvoie. Ouais. Quand il arrive ici, c'est l'homme du serment, ce qu'on appelle le serment antimoderniste. Tous les prêtres, depuis les années 1915 à peu près, devaient, avant d'être ordonnés, prêter un serment qu'ils jurent de ne jamais soutenir un certain nombre d'idées, dont des idées sur l'évolution, etc., la liberté, etc. Et là, ça va commencer à craquer. Et le même bonhomme qui a liquidé deux jeunes, dont un va devenir un grand spécialiste mondial sur le gnosticisme, il nous a privé d'un grand historien, il va commencer à lire. De ces jeunes prêtres vont commencer à lui parler. Écoutez, cardinal, là, vous êtes un peu en retard. Ouais. Lisez donc un peu. Et regardez autour de vous. Tout d'un coup, il va découvrir, oh là là, il faut que je me dépêche de donner une éducation à mes gens sur la Bible. Il va faire des trucs sur l'amour conjugal auquel on s'attendait absolument pas. Il va, par exemple, et il va soutenir ça au Concile, parler la priorité, le but premier du mariage, c'est le support mutuel amoureux du couple. Écoutez, on n'en parlait même pas de ce support-là. On est venu à dire, oui, les gens, s'ils font l'amour, il y en a peut-être besoin parce que c'est tough, mais il faut qu'ils fassent des enfants. Il va tout d'un coup prendre conscience que son image de ce qu'il fallait que les catholiques soient s'est dépassée. Et il sera à l'écoute. C'est assez fabuleux. Il s'achète une petite maison, un cottage à la Chine, en banlieue de Montréal. Mmh. Il va faire salon. Il va recevoir des intellectuels de l'époque qui ont tous un fond catholique. À l'époque, c'est les jeunesses catholiques, tout ça. Claude Ryan, il va consulter Ryan. Mais les gens vont débarquer chez lui à la Chine. Il va écouter ce monde-là, ce Québec moderne qui se prépare. En fait, ce qu'il ne connaît pas du tout, c'est l'existence de l'action catholique et la réflexion. Il connaît pas la réflexion des aumôniers et des militants syndicaux sur la place des ouvriers dans nos usines capitalistes. Il ne connaît rien de l'ébullition des idées, entre autres, dans une minorité du clergé et surtout une minorité de laïcs. Ce qui va le faire, il va le bouleverser, c'est qu'il va avoir des laïcs qui ont lu de la meilleure théologie que lui et qui veulent penser à la génération des Pelletier-Trudeau. Ces gens-là ont des idées sur la réforme de la société et de l'Église auxquelles lui n'avait jamais pensé. Ouais. Il revient au Québec après ses années à l'étranger, pensant retrouver son village Saint-Anicette. Et il est à Montréal. Ouais. Vatican II, on y vient. Ce sera important pour l'Église catholique. Ce sera important pour le cardinal Léger. Il va y jouer un rôle important. On l'écoute en parler dans une biographie qui sera diffusée à sa mort en 1991. Au Concile, j'ai pris une attitude que mes collègues de l'épiscopat m'ont parfois reproché. J'étais un peu cavalier seul. Et je me suis dit, il y a des vérités pour lesquelles je suis prêt à me battre. Il y a des choses qu'il faut tirer au clair. Justement, il faut une recherche de la vérité. Alors, je me suis dit, je vais parler devant 2500 juges. S'ils ne sont pas contents de ce que je dis, eux, ils ont au moins la liberté de le dire. Quel rôle va-t-il jouer, Louis Rousseau, Paul-Émile Léger, à Vatican II, au Concile Vatican II? Il va jouer un rôle, il l'a dit, un peu de chanteur solo, mais un rôle qui va avoir, à travers lequel il va avoir beaucoup d'influence, surtout au début, dans le démarrage des premières et deuxièmes réunions conciliaires. Il avait lui-même évolué très, très vite. Il avait, avant le concile, il avait fait des consultations systématiques de son clergé, d'une part, et avec des laïcs, surtout des laïcs d'Action catholique. Et il avait évolué théologiquement par des conseils donnés par des plus jeunes, des bons théologiens. Et il était convaincu, il voyait, parce que ce que les catholiques lui disaient, par exemple sur la question de la famille, éminence, vous ne vous rendez pas compte, là, mais on est en ville, et puis on fait pas 15 enfants, 8 enfants. Et ce qui compte, c'est l'amour d'un homme et d'une femme, ouais. Et non pas... Et sur cette question, comme sur la Bible, sur l'écuménisme, etc., il vit dans une ville multireligieuse, où les évêques classiquement étaient complètement isolés des Anglicans, des protestants, etc. Donc, il va bouger sur une série de questions clés. Il va arriver à Rome sur la question de la liberté de religion, par exemple. Oui. Vraiment comme un vrai progressiste. Oui, vous avez vu, dans ce que nous avons entendu, il parle bien de ces gens, c'est-à-dire les évêques. Eux ont le droit, ont la liberté de parler. C'est critique, déjà, dans cette phrase-là. Il critique le fait qu'on empêche les laïcs et les autres croyants de parler. Donc, il va là-dessus avoir un impact majeur d'une question extrêmement difficile. La foi a toujours été, en théologie, un acte libre, mais interprété par la hiérarchie comme vous êtes libre d'écouter et d'obéir, parce que nous, Dieu, etc., etc. Donc, sur une certaine question. Et surtout, la première chose importante, il a convaincu Jean 23 de s'ouvrir au fait que le Concile avait été hyper mal préparé à Rome. Ouais. Et ce qui fait qu'il va faire partie des quelques cardinaux qui vont, lors de la première séance, contester l'ordre du jour. Dire, écoutez, l'ordre du jour qu'on nous a préparé, ça vaut rien. Ouais. Et on va prendre le contrôle. Donc, il a fait partie de ce petit noyau qui a soudainement glacé d'effroi toute la haute administration romaine qui avait préparé le tout pour que le concile dure peut-être 3-4 mois au max et on avait déjà écrit tous les textes de conclusion. Donc, rôle vraiment important. En même temps, froid, il va froisser sa hiérarchie, ça c'est certain. Revenons, parce que le temps passe vite, au contexte québécois, à cette grande modernisation du Québec au moment de la Révolution tranquille. Il va jouer un rôle important. Ce sera vraiment un interlocuteur privilégié, le cardinal Paul-Émile Léger du premier ministre Jean Lesage. Quel rôle va-t-il jouer, Louis Rousseau? Oui. Ben, en même temps qu'il est à Rome, se fait la Révolution tranquille et on va construire les institutions nouvelles. En d'autres termes, la question de l'éducation à réformer assez profondément, la question de nos institutions d'aide sociale et de santé. En tout cas, tous les domaines que contrôlait le clergé depuis le milieu du 19e, sinon un peu avant. Il se rend bien compte que ça ne tient plus la route. Et qu'il va falloir changer. Mais il a bien peur. Il est ouvert, mais c'est un homme d'Église et ça veut dire que l'Église va pas disparaître, mais va devoir changer complètement son rapport à la société. Et il se dépêche de revenir entre deux sessions et pour en particulier dialoguer avec le gouvernement à propos de la question scolaire. Le gouvernement, Lesage et le futur ministre de l'Éducation avaient envie de faire passer la loi de réforme de l'éducation à de la vitesse grand V. Et Léger revient du Concile, mais il y avait un paquet d'évêques qui étaient avec lui au Concile. Donc, ces gens-là reviennent et il va devenir un interlocuteur et convaincre M. Lesage de diminuer la vitesse un peu d'évolution, et il va y avoir toute une série de négociations où Lesage et Léger se rencontrent au moins une fois par semaine pour établir, redéfinir la place de l'Église catholique dans le fonctionnement de l'éducation. Donc, on va accepter qu'il y ait un ministère, mais ce ministère-là, le contenu des enseignements va être, en quelque sorte, examiné par le comité catholique d'un côté et le comité protestant. Donc, d'une certaine manière, on fait un gros pas en avant. C'est l'État et non pas les églises, mais les églises vont demeurer intimement associées à la mission de l'État. Les mêmes éléments, mais avec moins de contrôle de l'Église, vont se faire dans le domaine de l'aide sociale et dans le domaine hospitalier. Le 9 novembre 67, il décide, Paul-Émile Léger, il annonce donc sa démission comme archevêque de Montréal. Le geste que je pose se situe dans une logique de foi et de vie. L'Église est un mystère. Elle est le grand signe élevé au-dessus des nations pour annoncer que Dieu existe. Et elle est le moyen de communication le plus apte pour nous transmettre ses volontés. L'Église est donc essentiellement missionnaire. Le jour où elle cesserait d'aller vers ceux qui n'ont pas encore reçu l'Évangile, elle se replierait sur elle-même, elle deviendrait un ghetto et elle serait infidèle à sa mission. Mais si l'Église doit être annoncée à tous les hommes, il s'adresse tout d'abord aux humbles, aux pauvres de cœur et d'esprit, envers qui le Seigneur a toujours manifesté une particulière sollicitude. Le temps est venu de passer des paroles aux actes. Je veux consacrer les quelques années que le Seigneur voudra bien m'accorder à une assistance spirituelle et matérielle en faveur des lépreux. Je pars donc pour l'Afrique. Ça, c'est le discours, discours au moment de sa démission. Pourquoi démissionne-t-il vraiment? 1966, là, c'est le début de la saignée. Beaucoup de prêtres, séculiers comme religieux, demandent à être remis à l'État laïque. Des religieuses sortent des communautés enseignantes et hospitalières. Pourquoi ils ne croient plus, alors que le message est renouvelé? Cette crise religieuse, il est sûr qu'il ne peut pas la dominer, en quelque sorte. Ouais. Il ne sait pas quoi faire. Il a fait ce qu'il peut. Et d'une certaine manière, on peut dire il ne voit pas d'avenir pour lui à Montréal comme chef d'église. Il explique « Je veux agir, je vais prêcher par l'action et non plus par la parole. Ouais. » Il a le sentiment que sa parole a fait ce qu'elle pouvait faire. Et probablement a-t-il de lui-même une conviction d'échec. Louis Rousseau, professeur associé au département de sciences des religions de l'UQAM, c'était un plaisir comme toujours. Merci beaucoup. Au plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.